Chapitre 148. Recommander à la famille et aux personnes au service du malade d'être bienveillants et patients avec lui, comme avec ceux qui seront prochainement exécutés pour avoir, par exemple, transgressé les limites d'Allah ou en application de la loi du talion. 913. D'après Imran ibn al-Hussein, radiallahu anhuma, une femme de la tribu des Juhayna se rendit auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, alors qu'elle était tombée enceinte suite à un adultère et lui dit « Ô messager d'Allah, j'ai transgressé. Applique-moi la peine requise. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, fit venir son tuteur et lui dit « Traite-la bien, puis reviens me voir après son accouchement. » À leur retour, le prophète, alayhi salatu wassalam, ordonna de bien serrer ses vêtements contre elle pour éviter qu'elle se découvre lors de la lapidation, puis qu'elle soit lapidée. Muslim.